La cave. Épisode 6. 16 miles. Turmerics. Salut Lou. Salut Luc. Bonjour tout le monde. J'espère que vos oreilles entendent la différence nette et claire et précise. On teste en fait nos micros. C'était les plus cheap que j'ai trouvé sur Amazon. C'est comme un certain Gauthier Langin nous a fait remarquer. On est même thématique dans nos choix des micros. C'est des micros Konami. Donc les seuls micros endossés par Solid Snake. Oui. Donc, bravo à nous. Boy. Ouais. Il va falloir en faire un sur Metal Gear. Oui, oui. On a plein, on n'arrête pas de dire, on va faire un sur ça, mais ouais. Ouais. Fait que c'est fucké, on se parle en se regardant avec un petit micro. Ouais. C'est weird. Petit micro. Ouais, c'est un autre level up, man. Ouais. Améliorer le point de vue technique. Et voilà. Parce que le contenu est parfait. Non, c'est pas vraiment un level up, c'est plus comme si on avait trouvé un item. Ah! Ouais. Tu sais, level up, c'est comme le cinquième épisode. Tu sais, on a fait une nouvelle affaire. T'sais. On passe le premier donjon. Là, c'est comme si on avait trouvé un épée cool. Ça peut être bon. Parlant du dernier épisode, je veux juste faire une petite parenthèse. Tu m'avais demandé, cinquième épisode, c'est sur Ninja Scroll. Et la plus récente version DVD Blu-ray avait utilisé la mention 100% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, agrégateur, et tu m'avais demandé, avais-tu vérifié? J'ai vérifié, et oui, c'est toujours le cas, 100%. Wow. Cependant, autre chose, même si c'est un film qui est sorti en salle, nous, on l'avait écouté en version widescreen, 16:9, ouais. Mais le aspiration de l'image, ça a toujours été 4:3. Ça a toujours été plein écran. Fait qu'on avait raison de trouver qu'il y avait les épaules larges vu qu'on était élargi. Tu penses qu'ils l'ont stretché? Non, mais c'est, à la base, c'est tout le temps plein écran. C'est faut pas l'écouter en widescreen. OK. Voilà. Wow. Ouais. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans La Cave, l'émission de podcast de balado-diffusion sur les vieux et moins vieux films, animés, BD, etc. Qu'on a connus dans La Cave, moi et Jake. Aujourd'hui, on brise la règle un peu. Oui, ben on a fait beaucoup d'animés, on voit beaucoup de Japon. Là, on s'en va parler d'une BD d'un type anglais. Oui, un britannique. Voilà. Alors, puis on n'a pas découvert ça quand on était ado, fait que c'est quand non, fait que tu sais, la règle part de là, mais dans le fond, on ne va pas couvrir la nouveauté de la semaine, puis on se donne une petite marge, mais on est à l'aise, puis on s'excuse pas. On s'excuse jamais. C'est ça. Plus jamais, maintenant, on s'excuse. moi, j'ai fait du podcast en maudit, man, il y a deux semaines, là. Okay. Après Ninja Scroll. Ouais. Juste comme un petit shout-out à moi-même, là, parce que je suis en train de devenir le Kevin Smith du podcast. Ah, moi, c'est le fun. Personne ne m'a contacté. Ben, hey man, il y a deux semaines, j'ai fait 4 ou 5 podcasts en une semaine. OK. C'est quand même malade, là. C'est quasiment un à tous les jours. Ouais. Fait que j'ai fait évidemment La Cave. Ouais. J'ai fait Pop en Stock. OK. Sur le cyberpunk. OK. Après ça, j'ai fait Les Mystérieux Étonnants. Ben oui. Après ça, j'ai fait... pas dans ta bulle, merde. Ah, excusez, gars. Colin. Podcast et Gumballoon. D'accord. Sur Godzilla. Après ça, j'ai refait Pop en Stock sur Image Comics. Écoutez, ça, c'est vraiment une célébration des 90s. Oui, ça devrait être plus proche de notre univers ici. Oui. Puis la semaine passée, j'ai pas vraiment fait un podcast, mais j'ai rentré dans les studios de Choc pendant le 16e handicap. J'ai écouté le show au complet là-bas. Là. En arrière la fenêtre? Non, man, je me suis mis des écouteurs. Puis évidemment, tu voulais pas participer? Là. Pas vraiment. À la fin, j'ai juste parlé pour dire comme que j'avais passé au. T'as squatté, puis. Mais ouais, j'ai squatté. OK, ça, c'est très, très ordinaire. Ça. Ouais. Ça, puis featuring Jake Dion qui est assis, puis qui dit rien. Ben oui. Ben why not? Hein? Bon. Ben écoute, moi, j'ai continué ma vie sans faire d'autres émissions. Là. Mais là, c'est ça. C'est que là, moi, j'ai quasiment envie de me starter d'autres podcasts. Moi, j'aime trop ça, faire ça, man. Je pense qu'on devrait enregistrer toutes les discussions qu'on a tout le temps par un podcast genre spécifique là-dessus. Non. OK. Non, je pense que... Salut, Michel. OK. Fait que, ouais. Revenons à nos moutons. Hein? Ouais, ouais. Concentre-toi sur... Oui. T'sais, si tu tires partout, tu ne tueras pas tout le monde. OK. Faut que tu tires sur un gars pour t'assurer qu'il soit mort. C'est vrai. C'est vrai. Sharpshooter. C'est la bière à l'abricot là, qui fait ça. Alors, 16 Miles to Merrix, une BD de l'auteur, l'artiste Barnaby Ward. Veux-tu y aller avec le synopsis? Ben oui. Écoute, c'est une BD, premièrement, qui contient une grosse histoire, mais qui en a que plein de petits shorts à travers aussi. Oui, l'édition publiée qu'on a en main. La grosse histoire, écoute, c'est un trip assez weird. On a l'impression presque que c'est comme... voyons, comment tu appelles ça quand que... Tu sais pas trop où tu t'en vas, mais tu startes, puis c'est comme pas de l'écriture automatique, mais genre pas un cadavre exquis non plus, mais tu sais comme... Surréel un peu. Ouais, un peu de l'impro, tu sais, t'as l'impression au début. Parce que tu vois vraiment que la première histoire qui fait comme une centaine de pages plus, tu vois qu'il a évolué énormément là-dedans. Fait que tu sais, il a starté comme son style, tu vois... Moi, j'ai l'impression qu'il ne savait pas trop où c'est que ça en allait, honnêtement. Je te fais une petite remarque, tu n'es pas très bon dans le synopsis. Là. Tu t'en vas à gauche, à droite, puis tu n'as pas parlé d'histoire. Là. T'as raison. Ouais. Ça met en vedette deux protagonistes. Oui, un homme et une femme. Un homme et une femme qui se réveillent, qui ne savent pas trop où ils sont où. je vais essayer de prendre le relais, parce que là, tu as l'air à... Mais c'est pas grave, t'as fait plein d'autres podcasts, puis là, t'es comme, tu sais pas... Ça se peut-tu que mon cerveau soit épuisé, man? Ça se peut-tu que j'ai fait trop de podcasts, puis qu'il me reste plus de... Ouais, t'as pas récupéré tous tes HP. Fuck. Fait que dans le fond, t'as le personnage masculin qui arrive, on comprend, d'une journée de travail, ou en tout cas, il arrive chez lui, à son domicile, dans son appartement, et puis sur le balcon, il trouve une jeune femme qu'il ne connaît pas. Et elle lui dit, elle l'attendait un petit peu, puis finalement, elle lui dit, viens avec moi dans l'autre chambre, dans cette pièce-là. Ouais. Puis on comprend qu'il y a plein de boîtes, je ne sais pas s'il déménage, peu importe. Finalement, elle lui demande de déplacer une boîte, puis il révèle une porte. Ouais. Puis ça ensuit ensuite une espèce d'aventure vers des lieux souterrains. Et dans le fond, c'est un peu une quête d'identité à la fois pour... trouver qui est cette jeune femme-là et où ils s'en vont. Donc, c'est, dès le départ, c'est très nébuleux. Ouais. Mais C'est presque un puzzle. Oui. Parce que là, il y a des flashbacks. Tu comprends que les deux personnages se connaissent, mais ils ne se reconnaissent pas. Ouais, hein? What the fuck? Donc, ça joue beaucoup sur la réalité, l'identité, le rêve. Ouais. Tout ça fait que on est directement plongé dès les premières pages. Alors, si on veut faire un bref synopsis, on peut arrêter là. Et, OK. T'as mieux fait ça que moi. Oui. Ça te convient, Jake, en deuxième partie d'émission, après la pause musicale, je pense qu'on va aller plus en détail dans l'histoire. Ouais. Puis ça, c'est un peu, quand même un peu touché comme récit, sans vouloir faire trop de gâcheux. Je pense qu'on peut se permettre de faire des gâcheux. Ouais. Simplement dire aux auditeurs que j'ai vérifié tout à l'heure, et puis sur le site de l'auteur que je vais mettre sur notre site. En fait, c'est disponible en entièreté, légalement. Toute l'histoire, on peut la lire en ligne gratuitement. Parce qu'en fait, la première édition, elle est discontinuée, et puis ça va de 80 à 180 $ pour se mettre une copie physique maintenant. Wow! Oui. Donc, si vous voulez, je vous conseille très fortement, faites pause, allez lire l'histoire, puis revenez par la suite, puis tout à l'heure, tantôt, on va faire un autre avertissement du genre... Très bonne idée, man. Barnaby Ward. Yep, Barnaby Ward. Ouais. Comment s'appelle son site déjà? Sumfeld. Ouais. Sumfeld. En tout cas, ouais, je vais mettre ça. Je vais y aller avec comment j'ai découvert ça, parce que ça va être directement lié avec toi, comment tu as découvert ça, et c'est plus tu as plus de choses à dire que moi. En fait, c'est un artiste que j'ai découvert avec les merveilleuses anthologies Pop Gun, publiées chez Image Comics. Il y en a eu 4. Je crois que ça a arrêté depuis 2, 3, 4 ans, je ne sais plus trop, pour des raisons peut-être économiques ou de... On ne sait pas tous les détails, mais c'est super intéressant quand on a un manque d'idées ou juste pour avoir une bonne variété d'imagination, d'imaginaire, autant... Tu parles de Pop Gun en général? Oui, de Pop Gun, dans le fond, c'est une anthologie, c'est un 450 à 500 pages par volume, autant des auteurs, des artistes émergents, professionnels, semi-professionnels. Et dans le fond, tu as une super belle diversité dans ces ouvrages-là. Leur concept, c'est un peu genre un mixtape. Là. Fait que c'est comme une grosse compile de plein de musique, mais il n'y a pas un filon. Y a pas, tu sais. Ça fait beaucoup penser à l'autre anthologie qui s'appelait Flight, mais là, il y a vraiment un thème. Oui. Qui, je pense, sont allés quand même assez loin, vers 6-7 volumes. Ouais, Flight, qui était l'idée de l'envol, le vol aérien, mais après 7-8 volumes, tu fais. Largement. Oui, l'analogie est plus libre. Mais Pop Gun, c'est ça, il n'y a aucun thème. Et Dominique et moi, on a été publiés là-dedans. Oui, nous avons eu la chance. Mais... Moi, c'est une de mes fiertés, pour vrai. Oui, moi aussi. Quand je suis down, puis il fait soleil, puis il y a des gens qui sourient dehors, moi, je regarde ça, puis j'ai été là-dedans. Fait que ça me rend plus heureux. Ouais. Ouais. Puis honnêtement, on a fait de la carrière de bon job. On a participé 2 fois, donc dans volume 3 et 4. Oui, oui. Puis tu sais, c'est ça, comme tu as dit, il y a autant des artistes, il y a personne d'amateur là-dedans, mais autant des artistes émergents. Amateur, je veux dire, des nouveaux, peut-être des noms qu'on ne connaît pas dans l'industrie. Là. Exact, exact. Comme nous autres, on n'a jamais publié de comic book américain avant cette publication-là. Ouais. Mais il y a des gros noms aussi, tu sais, je pense à Becky Cloonan qui était dans... Becky Cloonan n'a pas fait Pop Gun, a fait Flight. Non, elle a fait Pop Gun aussi, numéro 2. Qu'est-ce qu'elle fait? Je pourrais te le montrer, là, c'est un... Je ne me rappelle pas du nom de l'histoire, mais oui. Je te le garantis. Je doute. Je doute pas, mon ami. On va regarder ça pendant la pause. Il est là, je le vois. Vas-tu le sortir, ça vaut-tu la peine? Non, je vais y aller, continue. Ok, je continue à parler. Karine. Check 1 et 2, en fait, parce que ça se peut que ce soit dans le 1. Paul Pope, un de mes artistes préférés qui a fait la couverture. Après ça, il y a Eric Larson, le créateur, co-fondateur de Image Comics. Oui, ben lui, il se fait plaisir. Il n'y a pas vraiment de besoin de cette visibilité-là, mais c'est tout le temps en dehors de sa zone, puis c'est tellement super le fun. Exact, exact. Puis, tu sais, fait que tu sais, je peux dire que j'ai été publié avec Eric Larson, tu sais, c'est quand même fou, là. Ouais. Eric Larson, le créateur de Savage Dragon et l'illustrateur d'une magnifique pochette de EGM, je pense que tu m'as montré tantôt. Mais tu sais, c'est quand même du monde prestigieux dans l'univers des comic books américains. Fait que non, man, Becky est pas là-dedans, pas dans le 1 ni dans le 2. Bon, ben, Colin. Elle est dans Flight, mais pas dans Pop Gun. Bon, ben. L'autre dimension, tu sais, Stephen Hawking, il a dit qu'il y avait des dimensions parallèles à l'infini. Ouais. Bon, ben, dans une autre dimension, moi, je sors avec Emma Stone, puis Becky Cloonan a été publié dans Pop Gun 2. OK. Ouais, ouais. Mais bon, on va parler ultérieurement de notre chance d'avoir été, d'avoir fait partie de ces volumes-là. On a comme idée de faire un épisode sur nos techniques de travail, nos publications. Fait que ça va être un épisode plus spécial, plus personnel et tout. Mais bref, pour revenir à Barnaby Ward, l'auteur de 16 Miles to Merrick's, ma première exposition à son travail, ça a été dans le premier volume de Pop Gun, où il a fait le troisième de couverture à l'intérieur. Ouais. Et puis, dans le deuxième, il y a son histoire The Forest, ouais, qui se retrouve un tout petit court récit de 8-10 pages, je pense, qui se retrouve aussi dans l'édition publiée qu'on a en main de 16 Miles to Merrick's. Voilà. Puis, qui est mon histoire préférée de toutes ces shorts. Oui. C'est un illustrateur qui a un style tellement genre particulier parce que il se situe vraiment dans une drôle de zone, mais ses illustrations, il y a comme, évidemment, c'est un gars qui est reconnu pour dessiner des super belles filles, là, extrêmement sexy. Il porte jamais de culotte. Hein? C'est un peu sa marque de commerce. Ouais. Je pense que c'est pas sexiste, c'est pas misogyne, c'est juste son truc à lui. Ouais. C'est le long robe, puis ils ont des sous-vêtements, mais ils n'ont pas de... Ils n'ont jamais de jupe ou de pantalon en dehors du bassin. Puis tu vois qu'il a perfectionné sa forme féminine parce que la fille, parce qu'on s'entend que c'est tout le temps un peu la même, là. Oui. Mais elle est. On est tout en amour avec. Là. On veut tout. Toucher ses pantalons. Toucher. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est un illustrateur que c'est ça. Vous pouvez aller checker là, son site avec le lien qu'on a mis sur le truc. Mais oui. En fait, il est designer graphique de formation. Okay. Puis il fait de l'illustration. C'est ça, il a fait un petit peu de BD comme ça. Mais dans les dernières années, il est plus illustrateur. Il a fait des prints limités. Je sais qu'il a... Et récemment, dans les derniers trucs qu'il a fait, il a fait une série sur Alice au Pays des Merveilles, une espèce de réinterprétation de ce côté-là. Ouais. Mais aussi un des prints limités qu'il avait fait, c'était une super belle Chun-Li de Street Fighter en vélo avec, dans le petit bassin en avant, c'était un Blanca en toutou, fait que c'est super chouette. Apportais-tu des culottes? Sûrement, bonne question. Probablement non, si on connaît bien Barnaby. C'est peut-être un corsaire One Piece. Là. Ah ouais, ça doit être ça. Puis sinon, il y a son espèce de série aussi, que c'est tout le temps des femmes avec des insectes géants ou des animaux, genre un escargot, une tarantule. Ouais. C'est ça, je veux dire, moi je veux des prints de ça, là. Ouais. Je veux des gros posters géants de ça. Ce qui est surprenant, c'est que tu penserais, de la manière qu'il travaille, que c'est très quasiment granuleux. Là. T'as l'impression qu'il travaille au plomb. OK. Mais tout, j'arrête pas de roter dans le micro, tout est fait à la Wacom. Ah tout oui? Tout est fait digital, oui. Fait que même ses planches originales, ses illustrations... Il n'y a rien de papier. Il n'y a rien de papier. Il n'y a pas de papier, pas de crayon. Ah oui. C'est tout fait à l'ordi et ça paraît pas. Tu comprends pas. Non, ben j'aurais cru le contraire, moi. Ben c'est ça. Moi qui travaille beaucoup de manière digitale, je vois vraiment la grosse différence quand je travaille traditionnel et digital. Oui. Puis j'ai jamais été capable de recréer ce genre de feel-là. Là, on dirait vraiment que c'est du plomb presque, de l'encre, mais granuleux, genre. Puis ça, c'est lui qui me l'a expliqué. Parce que oui, je l'ai rencontré quand on était au Comic-Con ensemble. On s'était tapé ce trip-là. Est-ce que c'était pas pour Pop Gun? C'était pour Holy Right? Oui, mais là, tu parles deux choses. Toi, tu l'as rencontré quand une année que avant qu'on ait... Ah, t'as raison, c'est ça. Je me fourre, t'as raison. Parce que j'ai été... Non, mais attends, là. Hey, wow. J'ai été comme 50 fils au... Comic-Con. Fait que, la dernière année, on est allé ensemble. C'est ça, exact. C'est ça. OK. Fait que je l'ai rencontré là. Mais avant de le rencontrer, est-ce que tu connaissais son travail ou c'était juste face à face? Je connaissais l'histoire qu'il avait faite dans Pop Gun. OK. C'était mon histoire préférée de l'anthologie. Enfin, t'avais reçu la copie avant de le rencontrer. Exact. Que l'histoire qui s'appelle The Forest, que tu as mentionné tantôt. Puis ce qui m'avait marqué là-dedans, c'était... Tu sais, c'est une histoire qui est muette. Oui. Où il se passe pas grand-chose, mais c'est tellement ambiant. Puis moi, ça me rappelait, genre... Puis c'est bizarre de dire ça, parce que visuellement, ça ressemble pas à ça. Mm-hmm. Mais presque Silent Hill. Il y a quelque chose de fantomatique dans son storytelling. Oui. Un mix de ça, puis presque... Tu sais, quelque chose de fantastique, dans le sens... C'est pas de l'horreur, là, ce qu'il fait, vraiment pas. Mais il y a quelque chose de... Surréel, glow. Ouais, puis comme si on errait, genre. Fait que ça m'a super gros marqué. Fait que quand il est arrivé, on s'est présenté. J'ai fait « Oh my God, t'es le gars qui a fait ça, genre, man, c'est malade. » Il dit « Ouais, toi, qu'est-ce que t'as fait? » Genre, moi, j'ai fait telle histoire, j'y monte. Puis il fait « Oh, man. » Là, il parlait pas de même. Hein? Il parlait pas comme Jake. Là. C'était un British. Fait que « Oh, God. Oh, gosh. Oh, gosh. Holy gosh. Gosh, darling. For the queen. » Il disait ça. Il disait tout le temps ça. OK, mais attends, tu veux juste pour récapituler, son histoire est dans le deuxième, dont toi, tu es allé quand le troisième était publié, c'est ça? Ouais, puis il y a une histoire dans le 3, non? Ah non, il a juste fait les illustrations. Non, il n'est pas dans le 3 du tout. Dans le 1, il a fait des couvertures intérieures. Dans le 2, il a son histoire, puis après ça, c'est terminé. Il n'est plus là-dedans. Okay. C'est ça. Bon, ben, Colin, en tout cas, je me rappelle que j'avais lu The Forest, puis aussi, il postait sur un forum de dessin. Fait que je le connaissais aussi par ça. C'est là que Pop Gun m'a contacté. Exactement. Okay. Fait que j'y montre mon histoire, tu sais, je suis comme un peu nerveux de savoir qu'est-ce qu'il va en penser, puis il est comme « Oh, golly! » il dit « Man, la fille, tu dessines, là. J'ai tellement envie de la fourrer, là. » Puis j'étais comme « My God! » Puis okay. Pour moi, c'est vraiment important de vouloir fourrer un personnage féminin qu'il y a dans mes histoires. Ah. Mais il l'a dit, tu sais, ça a l'air dégueulasse quand même que je le dis, mais il l'a dit vraiment avec de la classe, tu sais, dans le sens que genre, avec ses mots, elle, là. On tombe en amour avec, genre, tu sais. OK, est-ce qu'il a plus dit ça ou il a plus dit « Il a dit « fourrer », il a dit « I want to fuck her ». OK. Mais « avec des I want to fuck her huh? ». Mais... OK. Toi, est-ce que tu juges que c'est un trait... important? Ben moi, je l'ai pris comme un esti de beau compliment parce que, tu sais, la fille qui décide tout le temps dans ses BD, moi, je veux que ce soit ma blonde, tu sais. Moi, je suis en amour avec elle, tu sais. Fait que lui, il me dise ça, c'était comme me renvoyer à la base. C'était vraiment sweet. Bon, fait que là, on parle-tu d'histoire un peu? On n'a aucune idée. C'est pourquoi qu'il devrait lire ça? Oui. À part que c'est malade visuellement, puis tout, là. Oui. Vas-y. Ben oui, il devrait lire ça. Non, je vas-y. T'es juste en train de penser tout haut. Est-ce qu'on passe juste en musique, puis après ça, on y va d'une shot? Oui, OK, on fait ça. Oui, oui, oui. OK, une minute, mes notes, où sont mes notes? Alors, donc, comme c'est un... Comme on va parler, c'est une BD très éthérée, très surréelle par moments, beaucoup d'ambiance. Alors, un petit morceau de Jeffrey Cantu Ledesma. On s'en va écouter Rhododendrons. revenu. OK. Le monde va penser que je suis gelé, man. Je suis même pas gelé. Mais non, mais non. J'ai passé une... T'es stimulé. Je suis stimulé, puis tu sais, on a pris une bière à l'abricot, puis à... Hein? À c'est fort, l'abricot. À Snap, l'abricot. Elle l'aime, moi, cette bière. Ouais. OK. Fait que ça vaut 180$, le livre qu'on a dans les mains, man. Quand j'ai regardé sur Amazon tantôt, c'était comme usagé 80, puis dans les plus chers... à 180, mais t'en avais en... T'avais un range qui était ça, là. Okay. C'est ça. Fait que, comme on a dit tout à l'heure comme avertissement, arrêtez d'écouter le podcast, allez lire la BD, c'est gratuit, c'est disponible légalement en son entièreté sur le site de l'auteur que vous pouvez trouver sur notre site. Ouais. Et puis ensuite, vous allez pouvoir suivre mieux notre... analyse ben oui. profonde et intrinsèque. Ah oui, puis moi, avec si je continue sur la même lignée que je suis parti, là, toutes mes interventions vont être bonnes. Ben non. Je le sens. Ben non. Ben écoute, vas-y, man, plonge-toi. Trouves-tu, premièrement, ouais. OK, j'ai une question avant que tu y ailles. Trouves-tu, toi, qu'il y a quand même un gros gap de qualité entre les premières pages de l'histoire et les dernières? T'as-tu remarqué ça? Ou je suis seul là-dedans? Un peu. Fait que tu penses que ça aurait été fait sur une longue période? Ouais, ou que c'était son premier projet sérieux comme ça, fait que c'est comme amélioré. Là. Ouais. Mais tu sais, je sens qu'au début, il est un peu plus faible, même si graphiquement, je veux dire, c'est un artiste qui a un... style quand même très unique. Ouais, c'est ça. Qui a catché sa voix... Puis il s'en fout un peu des influences qui viennent d'ailleurs, fait qu'il fait son truc à lui. C'est pour ça qu'on l'aime tant, c'est parce que c'est pas le meilleur dessinateur du monde, c'est pas le. Mais c'est ça, c'est un artiste qui a une voix unique. Oui. Puis il sait très bien doser les silences, les grandes cases, les splashs. Ouais. Je pense que l'environnement. Si c'est pas un personnage tertiaire, c'est un personnage secondaire, ça l'apporte énormément. Ouais. Ça aussi, ça fait très beaucoup plus que dans The Forest. Là. Oui. Ça fait très Silent Hill. Beaucoup de tuyaux, beaucoup de... Oui, oui. Puis avec, comme tu as dit, un petit peu, son trait, tu le disais, comme granuleux. Ouais. C'est ça. Je dirais que c'est pas parfait. Des fois, c'est des tuyaux, des gros... des gros bâtiments, puis c'est supposé d'être droit, mais c'est pas du vectoriel froid, c'est vraiment un petit peu shaky, mais je trouve que ça apporte une dimension humaine, c'est pratiquement organique rendu là. On croirait que ça pourrait se métamorphoser, se mettre à bouger, à engouffrer les personnages. Très bien dit. Ouais. Mais non, je regarde encore rapidement les pages, je te dirais que peut-être sans s'en foutre, il y a peut-être des pages qu'il fait un peu plus vite. Ouais. Comme ça, je ne sais pas si tu es d'accord. Ouais. Mais sinon, il y a d'autres plages que clairement, il a mis du temps. Mais sinon, c'est pas. C'est assez constant au niveau de la qualité, exact, je te dirais. Exact. Je te dirais, oui. Tu sais, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mentionné, ça, dans le fond, parce que tu as raison qu'une de ses qualités, c'est sa constance. Oui. Fait que oui, même il y a une évolution, tu vois qu'il s'améliore. Ironiquement, il est très libre puis il se permet beaucoup. Oui. Oui. Ce qui, moi, m'a frappé aussi, c'est parce qu'on parle de l'oubli, du rêve, de la confusion entre qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Oui. Puis finalement, je ne sais pas si ton analyse se rapproche de la mienne, mais c'est comme un near-to-death experience. C'est un peu ça qui se passe, en fait. Oui, pour les deux personnages. Exact. Oui, oui. On essaie d'y aller dans l'ordre avant, même si on fait des gâcheux. Mais comme on a dit, le personnage masculin, Chadwick, dont le nom va être dit quand même un petit peu plus tard, retrouve Natalie. Elle aussi, son nom va être dit un peu plus tard. Les deux, en fait, vont s'échanger leur nom, puis ils vont dire à un moment donné que je sais que c'est ça ton nom, mais je ne sais pas pourquoi je sais ça. Ouais. Fait qu'ils ont une espèce d'assurance, mais une espèce de il manque quelque chose, il manque un segment à la mémoire de ce côté-là. Ouais. Fait qu'elle l'amène dans un endroit secret, des couloirs, parfois très étroits, parfois très espacés, puis il y a toujours cette espèce de grondement-là, finalement. Puis un détail intéressant, c'est qu'au début, elle lui dit toujours « ferme la porte en arrière, vient le temps, c'est toujours des pièces closes. Ferme la porte dans l'arrière, clac. Fait que tu avais remarqué? Oui. Fait que voilà, dans le fond, ça, l'eau, c'est dans le fond l'ennemi, disons, l'élément physique qui les pousse à aller plus loin. Mais sinon, Chadwick, le gars, il ne sait toujours pas où qui est, pourquoi, ou comment ça. Dans le fond, c'est elle, la fille qui l'amène. Oui. Puis tu sens que dans peu importe l'environnement où c'est qu'ils sont, c'est hostile et dangereux. Il n'y a rien qui tient en place. Oui. Tout a de l'air rouillé. Ça a de l'air vraiment pas solide. Ou sinon, c'est ultra froid. Tu sais, c'est jamais comme invitant et cool. Fait que t'associes ça à une espèce de bad trip. Tu sais, c'est ça, c'est un bad trip. Ben, c'est un confinement. Exact. T'as pas d'accès libre à l'extérieur. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, si on veut comparer, tu sais, comme au lieu de se faire courir après un monstre, ben ici, le monstre, c'est une espèce de tsunami. T'sais. Oui. Fait qu'il y a une chasse, là, quelque part. Ils sont tout le temps à la course. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. En fait, on va un peu plus loin. Oui. Personnage masculin de Chadwick va faire l'espèce d'épiphanie que dire « OK, attends un peu, ça n'a pas de sens. Là. Tout ça, c'est plus grand que nature, je suis en train de rêver. » Quasiment tout de suite après, il va avoir un flashback, bang. Puis après ça, on va se retrouver dans ce que lui pense le rêve. Fait que déjà là, on a une première exposition à ces deux univers-là, si on peut appeler ça comme ça. Mais il va en avoir d'autres et de la part de l'autre personnage aussi. Là. Ouais. Fait qu'on ne sait jamais quel est le rêve, qu'est-ce qui est la réalité. Donc ça demeure toujours nébuleux de ce côté-là. Le personnage de Natalie, la fille, dès le départ, elle a un sac à dos et puis elle traîne une clé avec elle. Mm. Fait que ça, la première fois, c'est à la fois symbolique, mais à la fois direct, je veux dire, elle débarre une porte. Utilitaire, oui. Mais par la suite, je crois qu'elle... je crois que comme Jubri avec son épée, je pense qu'elle l'a d'attaché au poignet. Qui? Jubri dans Elder Scrolls, il y a toujours son sabre. Oui, OK. Ouais, je pense qu'elle a une corde avec sa clé. OK, ouais. C'est un détail qui m'a passé, mais... Ouais, je crois. OK. Je crois. Niaiserie, on n'a même pas mentionné. La BD est en noir et blanc. Oui, avec ton gris variable. Oui. Puis normalement, c'est rare que c'est beau, mais... Moi, d'habitude, j'aime pas les BD en ton de gris. J'aime ça, genre noir et blanc ou avec une teinte de gris. En appelant, ouais. Mais là, il y a beaucoup de teintes de gris, puis ça marche super bien parce qu'il y a une texture... Dans chaque teinte, tu sais, comme on dirait que c'est, encore une fois, on dirait que c'est fait traditionnel. Fait qu'on dirait pas que c'est des marques de marqueur, puis qu'il n'y a pas fait au complet. Fait que là, on voit le blanc original. C'est ça, on dirait que c'est ça. On dirait que c'est comme mal fait, mais évidemment, c'est maîtrisé. Là. Mm-hmm. Fait que là, ça commence à être fucké. Parce que là, les personnages commencent à catcher qui se connaissent. Oui. Moi, j'ai comme trop envie de parler de la fin. Oui, on dirait. Non, mais continue à l'avancer. Je vais avoir des cues. Oui, c'est ça. Je suis en train de tourner les pages au même moment. Ben oui, puis vous pouvez tous voir ça, les spectateurs, les auditeurs. C'est magnifique. Regardez notre. À ce case-là, là. Es-tu belle, ce case-là? Ce case-là est malade. Ouais. Mais tu vois, le premier flashback qu'on a, c'est quand même tout blanc, tout épuré. Puis on comprend que c'est différent des autres teintes. Puis les deux personnages dans ce flashback-là sont sur la plage. Oui. Puis ce qui est drôle, c'est que Chadwick, tout le long, on le voit, il est en complet. Oui. Veston, cravate. Puis là, on le voit à la plage. Puis il est en costume de bain, mais on voit qu'il y a des tatous partout ses bras. Fait que tu fais comme, ah, attends un peu, là. Ça te met une autre dimension. C'est pas juste un espèce de... Au début, t'as l'impression que t'es un homme d'affaires un peu... Oui. Plate et frette. Professionnel. Exact. Ouais. Là, tu le vois à la plage, puis il y a des sleeves, des full sleeves. Puis là, tu fais comme. De Yakuza, c'est ça. Puis là, tu fais comme. What? C'est qui ce gars-là? Un peu, là. La fille, elle n'a jamais de culotte. Elle est bobette. Elle est bobette. Pas de culotte. Pas de jupe. Ouais, c'est ça. Fait que, suite, quand lui dit c'est un rêve, il s'en va tout de suite dans son premier flashback, comme tu viens de dire, sur la plage. Ouais. Il se réveille tout de suite, se remet dans. l'autre univers qui était tout juste avant. Puis finalement, elle, Nathalie, elle voulait l'empêcher de dire non, non, c'est pas un rêve. Elle essaye de le bloquer, ils sont sur un petit passage très étroit. Et puis finalement, ben, elle finit par tomber dans le néant. Ouais. Puis là, tu sais, comme on a plusieurs switch comme ça qui se passent. J'ai l'impression qu'on vient juste de dire ça, mais c'est pas grave. Puis on se rend compte, en fait, que les deux personnages se connaissent et c'est pas juste un rêve. Il se passe quelque chose de weird. Mm-hmm. Jusqu'à, je me rappelle pas c'est quoi qui fait le déclic. Parce que là, tu sais, comme on voit des flashs, on catch que dans le fond, ces deux personnages-là sont en vacances. Oui. Qui ont quitté leur quotidien, ils se taquinent, puis tout, puis ils vont sur la plage. Fait que la maudite plage, elle revient d'un flashback, mais on catch que. L'élément de l'eau est toujours là depuis le début. Exactement. Ça a rapport avec le rêve. On se rapproche du but, là. Ça a rapport avec le bad trip, et c'est vers ça que tout se dirige. Qu'est-ce qui s'est passé sur la plage? T'sais? Oui. Fait que c'est entrecoupé, tu sais, comme tout le temps. Fait que le mystère, il est tout le temps là. Puis il y a l'effet de jour de la marmotte aussi. Je pense que ça arrive deux, sinon trois fois, qu'il recommence à la première scène. Il arrive chez lui à son appartement, trouve la fille, puis là, c'est un petit peu plus d'informations. Ouais. Puis il poursuit encore. Mm. Fait que d'après toi, c'est quoi qui est arrivé? Ben, si on va plus loin, c'est plus expliqué. Ben, parce que, tu sais, à un moment donné, on va pas tout lire la BD page par page non plus. Là. On va pas tout dire, mais même à la fin, ça reste... C'est ça, ça qui est brillant, c'est que c'est pas dit... Ça, c'est vraiment ça qui est arrivé, puis... Ça. Non, ça c'est de quoi que j'admire de ces histoires, parce que, tu sais, je pogne... T'as-tu vu Shutter Island? Toi? Non. Ça a vraiment un feel similaire dans le sens du storytelling. Mm-hmm. C'est tout le temps entrecoupé de flashbacks que tu comprends pas trop. Tu sais pas si, tu sais, y a-tu quelqu'un qui est fou? Qu'est-ce qui s'est passé? Blablabla. Puis là, dans 15-20 dernières minutes, il t'explique tout, mais genre zéro ambiguïté. Puis tu sais, c'est un film... Ça doit être poche. Super poche, tu sais. Fait que c'est un film qui est, pour moi, un chef-d'œuvre. OK. Mais tu avais coupé le dernier reel. Exactement. Ouais. Parce que là, tu sais, comme, laisse-moi un peu d'ambiguïté, puis laisse-moi un peu de mystère. Là. Je veux travailler un peu. Là, sans aller dans le David Lynch où c'est vraiment un gros puzzle à décortiquer. Mm-hmm. Mais tu sais, comme, explique-moi pas toute chaque scène. Pourquoi lui est de même? Pourquoi lui a dit ça? Pourquoi lui a monté là? Et blablabla. Ouais. Fait que lui, tombe pas, Barnaby Ward, tombe pas dans ce piège-là. Oui, puis ça aurait été facile parce qu'il prend un stratagème scénaristique qui est souvent déconseillé, celui du rêve ou de la réalité qui est différente, mais il se l'approprie très bien. Puis je pense que c'est dans ce type d'histoire qui gagne à être relu. T'as plusieurs indices où tu, en le sachant déjà, tu vas le lire d'un œil différent. Oui. Fait qu'on catch que le bad trip est né de ce moment-là sur la plage. Qu'est-ce qui s'est passé sur la plage? Oui. T'as une question. Qu'est-ce qui s'est passé sur la plage? Ben, clairement, il y a eu un... Un esti de gros tsunami, man. C'est ça qu'il y a eu. Il y a eu un esti de gros tsunami. Il y a eu un fuck avec de l'eau. Je sais que je veux pas prendre la fin. On s'en crisse, le monde, ils l'ont lu online. Ils ont eu le temps de le lire. Fait que... Est-ce que, d'après toi, c'est un near-to-death experience? Oui. Bon, OK. Oui. L'idée, ensuite, c'est le gars Chadwick s'en remet. Ouais. En fait, il reprend conscience, il marche debout. Parce qu'on a oublié un détail. Entre les chapitres, il y a tout le temps de quoi d'écrit. C'est deux pages noires, puis il est écrit 5 minutes. Oui, ben il y a un truc temporel comme ça, à la fois pour le temps... Puis il y en a un autre qu'on parle de 16 miles to Merix. Puis à un moment donné, je pense que c'est la moitié comme 8 miles to Merix. Fait que autant dans le temps, autant que dans la géographie, les personnages avancent. Ouais. C'est ça, 8 miles to Merix. Ouais. Fait que ça aussi, ça nous indique que genre on approche quelque part. Là. Il s'est passé de quoi, genre. Mm-hmm. Fait que on comprend dans le fond qu'il y a un énorme tsunami. les deux se sont fait pogner par ça. Puis lui, il est comme dans son espèce de limbo, là. Il est comme dans son espèce de limbe. Purgatoire. Ouais, genre purgatoire. Mm-hmm. Ce qui est le fun, encore une fois, c'est que quand on revient à la réalité, on se demande si c'est vraiment, genre, clairement la réalité, puis c'est passé tout ça, ou si, encore une fois, ça fait partie... Ça peut être un autre, puis il se réveille, puis il recommence au début. Exactement. Ouais. Fait que ça, c'est ça qui est magnifique. C'est une expérience à lire. Puis c'est pour ça que je dis que c'est peut-être un punch, parce qu'il y a quand même un espèce de décompte dans l'histoire. Il y a un build-up. Ouais. Sauf qu'en même temps, comme tu as dit tantôt, c'est le fun à relire parce que c'est plus l'expérience de vivre ça. Oui. Souvent, ce type d'histoire-là, quand ils vont utiliser ce schéma narratif-là, si c'est bien, ça va être. On le sait déjà qu'il y a un gros bobo enfin. Ouais. On sait que même si on le sait déjà en relisant, mais c'est comment tu arrives là. Oui, exact. Puis comment tu bâtis ça là. Exact. Ouais. Fait que c'est super bien fait. Tu veux-tu qu'on parle un peu des autres histoires qu'il y a après? Oui, tranquillement. Ça, par contre, vous ne trouverez pas ça en ligne. Ah. En tout cas, pas sur la page qu'on a mis, peut-être en fouillant. Juste un petit à côté pour reprendre notre souffle et nos esprits. Il y a une petite section dans la version publique qu'on a qui s'appelle Scrapbook, qui est en fait une sélection de fan art, donc réinterprétation des personnages par différents artistes. Et très belle surprise, moi, on a notre Jimmy Beaulieu. Mm-hmm. Qui fait partie de ça. Fait que c'était, en fait, je n'ai jamais parlé de ça. J'avais oublié qu'il avait été sélectionné comme ça, mais la prochaine fois, je vais me faire mon devoir de lui demander comment il en est arrivé là. Oui, oui, oui. Puis tu vois aussi que l'histoire n'était pas finie quand il a demandé des fanarts. Il a dû envoyer quelques images. Mm-hmm. C'est très interprétation libre. Il y en a que c'est même pas, ça n'a même pas rapport avec l'histoire, dont celle de Jimmy. C'est vraiment juste les personnages. Mm-hmm. Encore une fois, Jimmy a respecté la règle de Barnaby, il a mis pas de culotte à mais elle tient sa culotte dans ses mains. Ouais. Ça, c'est fucked up, hein, quand on dit des culottes puis une culotte, puis c'est petite vraiment culotte. Pas la même affaire. Petite culotte. Pour les gens qui ne connaîtraient pas Jimmy Beaulieu. Jimmy Beaulieu, c'est mon Will Eisner de la BD québécoise. Moi, c'est mon dieu, c'est mon... moi, je capote, là. Est-ce qu'on peut le considérer un peu comme le parrain du renouveau de la BD du Québec? Oui, c'est lui qui a mené ça ailleurs. C'est drôle parce que je conseille tout ce qu'il a fait, je le conseille. Oui. Mais il y a un très beau parcours... créatif dans le sens qu'il a starté beaucoup avec de la BD Autobio. Oui, essentiellement, son œuvre se tourne vers ça. Écoute, si tu regardes ses quatre dernières BD, c'est vraiment pas ça. Là. Ouais, okay. Fait que c'est ça qui est cool, c'est qu'il a starté vraiment les aventures de Jimmy Beaulieu. Fait que c'est lui qui s'en va à Québec ou c'est lui qui vit plein d'affaires. Il part de Québec. C'est ça. c'est très personnel, c'est ses histoires à lui. Après ça, il a commencé à faire La voisine. Il a fait un album qui s'appelle La voisine en maillot. Ma voisine en maillot, oui. Qui est une fiction, mais encore là, très intimiste. Ça aurait pu être. Oui, on sent qu'il y a des attaches, mais c'est très correct. Puis ça peut être. C'est en fait une histoire fictive. Exact. Puis après ça, attends, il y en a un autre qui me manque, là, mais c'est pas grave. Moi, mon album préféré qu'il a fait après, c'est À la faveur de la nuit. Oui. Qui est toute faite en couleur au crayon de bois. C'est complètement malade. Et ça, c'est une fiction totale. C'est plein de petites vignettes. Ouais. Oui. Puis c'est presque... Tu sais, il y a quasiment un thriller là-dedans. Là, tu sais, c'est deux filles qui se comptent des histoires. Puis la trame derrière ça, c'est qu'ils attendent un type qui va les mener vers le plan B. Là. Exact. Ouais. Ils ont comme fait un mauvais coup. Ils attendent le troisième joueur, puis ils se racontent des histoires en attendant. Ouais. Après ça, il a fait, comédie sentimentale pornographique. Oui. Encore une fois, genre, moi, ça, là, ça m'a jeté à terre. Là. Ah! Mm-hmm. J'ai trippé là-dessus. Sa dernière, c'est-tu l'adaptation? C'est pas l'adaptation, c'est un... Non, l'aventure, en fait, c'est trois ou quatre œuvres autobiographiques, mais avec des petites retouches, des petits ajouts que j'ai pas encore mis l'œil dessus. Okay. Moi, ce que je voulais dire, c'était Vic et Flo ont vu un ours. Ah oui. Qui est inspiré du film, mais qui ne raconte pas l'histoire du film. Qui est un supplément. Un supplément, voilà. Oui, oui, oui. Fait que checker Jim Beaulieu, écoute, c'est à cause de lui qu'on existe. Non, peut-être pas. C'est peut-être intense de dire ça, mais qu'on fait ce qu'on fait. C'est vrai que c'est un des pionniers de la nouvelle BD québécoise. Ouais, ouais. Puis de l'amener ailleurs, puis de pas s'enfermer juste dans un style, puis de dire la BD québécoise, c'est ça, mm-hmm. mais d'explorer, puis d'aller dans plein d'avenues. Là. Ouais. C'est, pour moi, c'est une inspiration là, ultime. Puis. Il dessine des belles filles, il a tout le temps des passes de lesbiennes. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça, ces affaires. J'ai l'air d'un espèce de dégueu. Mais non, mais c'est parce qu'il y a une grande sensibilité. Fait que, c'est pas vrai que comédie sentimentale, pornographique, c'est pas vrai que c'est. C'est une comédie sentimentale. C'est ça. C'est pas un film de cul. Non. Même si, bon. Oui. C'est grivois par. C'est folichon. Alors, merci, Jimmy. Merci, Jimmy. Oui. Alors, on a trois autres histoires, je crois. Oui. On a ici Hibernation, ouais. Qui est encore une fois une histoire muette, je crois, comme The Forest. Oui. Style encore plus épuré. On a moins de teintes de gris. C'est juste de la ligne claire. Il n'y a aucune teinte de gris. Son cadrage là-dedans. T'sais, c'est une espèce d'histoire post-apocalyptique. Beaucoup de détails, mais en même temps, beaucoup d'espace blanc. Ouais. Fait que ça crée un espèce de super beau contraste. Encore une fois, c'est son personnage féminin qu'on aime tant, mm-hmm. qui porte pas de culotte dans un monde post-apo. En ouais. Mais, plus elle regarde, je trouve que c'est ses yeux et ses lèvres qu'on remarque beaucoup, qui se distinguent. Ouais. On a Rooftops par la suite, une œuvre en couleur qui a collaboré avec un artiste qui fait du pixel art, Sven Rutner. Ça, moi, je vois une inspiration quasiment 4 degrés. Le studio d'animation, là, 4 degrés Celsius. OK. Il y a quelque chose de... Tu sais, on l'a mentionné une couple de fois. Là, je me rappelle jamais de son nom par cœur. Koji Morimoto? Morimoto, ouais. Oui. Il y a quelque chose de ça là-dedans. Là, tu sais, des personnages avec des têtes qui sont comme presque des antennes. Ou, mm-hmm. Je parle d'antennes de télé. Là. Oui. Tu sais, des junkyards, un super beau ciel, tu sais, des couleurs vives. Tu sais, c'est que c'est... T'sais, ça ferait un super beau clip d'animation. Là. Oui. Encore une fois, j'aimais des histoires complexes. C'est juste comme des passages. C'est encore là, très ambiant. Encore des histoires où l'environnement joue un rôle peut-être plus décalé. Ouais. Mais s'il n'est pas là, ça ne marcherait pas là. Ouais. The Forest, mon histoire préférée. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est presque comme un storyboard de film. Oui. Fait que c'est tout le temps la même dimension de case. C'est beaucoup des caméras qui soit vont de l'avant ou reculent. Exact. Tu sens vraiment le mouvement de la caméra. Oui. Fait que tu sais, on a l'impression que l'histoire est courte, mais tu sais, pour moi, elle fait quand même une vingtaine de pages. Mm-hmm. Mais c'est super... T'sais, on n'arrête pas de le dire. C'est ambiant, c'est vaporeux, c'est y a quelque chose de genre éthéré, c'est comme muet, mais genre t'as envie de te perdre là-dedans, puis t'as envie que ça dure genre un album complet. Mm-hmm. Oui, puis le premier qu'on Hibernation, qui est le post-apo, dans le fond, son personnage féminin, elle a un petit pack-sac rempli, elle retrouve une espèce de créature à mi-chemin entre le rhinocéros puis qui a une bouche de tamanoir sans yeux, quelque chose comme ça. Ça me rappelait un peu Moebius. Oui, ouais, t'as raison. Juste t'as raison. Type d'univers. C'est vrai, il y a vraiment un lien à faire avec ça. Oui. Puis tu sais, c'est le thème aussi qui revient, tu sais, son type d'histoire, c'est vraiment comme des rêves. Fait que c'est pas genre, il se passe ça, puis tel personnage a dit ça. C'est vraiment comme... Le senti. Ouais, carrément. C'est comme un voyage un peu là. Oui. Fait que puis c'est suivi de ses plus belles illustrations. Oui. C'est design autant mécanique que, évidemment, son personnage féminin qui revient tout le temps, mais genre, ça fit, on se tente pas. c'est jamais redondant. Il y a tout le temps une petite twist, il y a tout le temps genre, un petit quelque chose qui revient cool. Il y a une section vraiment plus sketchbook où c'est la première fois que tu fais comme, OK, c'est fait à l'ordi. Mais parce que c'est vraiment des sketchs, fait que tu vois qu'ils sketchent à l'ordi aussi. Mais les autres, tu sais, ces illustrations finies jamais, tu pourrais deviner que c'est digital. Oui. Il y a un trait quand même que je trouve un peu dynamique, que je ne le verrais pas passer 3 heures sur une case. Ouais. Pas que ce n'est pas important, mais il y a une espèce de sentiment de l'immédiat. Là. Je serais curieux de le voir travailler. Ouais. Savoir, est-ce qu'il fait ça super rapidement ou il prend full son temps? Parce que c'est surprenant des fois, tu sais, il y a des dessinateurs que ça a l'air spontané, puis ça a l'air comme s'ils faisaient le très rapidement. Oui. Puis dans le fond, il fait super lentement et tout est contrôlé. Fait que, tu sais, il va passer 4 heures sur une case. Fait que je serais curieux de savoir, de le voir. Peut-être que, tu sais, des fois, tu tapes ça dans YouTube, là. Genre le nom de l'artiste, puis tu peux le voir sketcher live justement d'un Comic-Con et tout. Fait qu'il va falloir checker. Ouais. Mais toi, ton souvenir au Comic-Con, justement, est-ce que tu, ayant dit qu'il travaille uniquement à l'ordinateur, est-ce que tu l'avais vu travailler sur papier? Non, c'est ça. Puis il n'est jamais venu derrière la table non plus pour signer. Il est vraiment, il était au Comic-Con en tant que fan, puis il a passé au bout de Pop Gun pour dire salut à tout le monde, mais... Il n'a jamais été derrière la table, je ne l'ai jamais vu sketcher. Il n'y avait pas un sketchbook sur lui non plus. OK. Fait que malheureusement, non, je ne l'ai pas vu dessiner. OK. Mais ça n'enlève pas la possibilité, là. Tu le verrais bien. Oui, moi, je pense qu'il dessine de manière traditionnelle aussi. Oui, ça va de soi. J'imagine. Oh, ouais. Ouais, ouais. On pourrait le qualifier un peu de nerveux ou d'organique, je ne sais pas. Ouais. Je sais pas comment le dire. Ouais. Mais comme tu disais tantôt, il y en a que ça a l'air. Ça peut avoir de l'air rapide, mais c'est très long. Comme je me rappelle, quand toi, tu m'avais parlé à un autre Comic-Con ou une autre convention, je pense que tu avais vu les Japonais de Capcom, puis eux autres, c'était super méticuleux, ils font une petite ligne, puis ils effacent le bout de la ligne, ils continuent la petite ligne, ils effacent l'autre petit bout. Fait que c'est moins magique, là. Ouais, c'est ça. Ben en même temps, tu sais, c'est le résultat qui tombe. C'est juste que quand tu vois des personnes dessiner live, comme justement Moebius ou Katsuya Terada, tu sais, c'est des artistes que il n'y a pas de sketch en dessous, il n'y a rien. Mm. C'est main libre, let's go, on part, puis ça donne une illustration de la mort. C'est vraiment... Tu sais, il y a comme... C'est les deux grosses écoles de pensée là, en dessin. Les deux extrêmes, peut-être. C'est les deux extrêmes, les deux pôles. Fait qu'il y en a un qui est vraiment travaillé avec beaucoup de sketch en dessous, que tu vas vraiment y aller couche par couche, tu sais. Mm-hmm. Puis l'autre qui est juste comme freestyle, tu sais. Moi, c'est sûr, ça m'a tout le temps plus impressionné, le monde qui dessine freestyle. Tu sais, comme Moebius, c'est un des plus grands illustrateurs et auteurs de BD de tous les temps. Là. Est-ce que tu dirais que c'est à cause de ça que tu as plus adopté cette avenue-là ou c'est plus avec tes aptitudes personnelles que tu t'es rendu là? Moi, c'est fucké, je l'ai fait instinctivement comme ça. Fait que j'ai l'impression que c'est pas nécessairement quelque chose que tu apprends, mais c'est, ça fait partie un peu de ta personnalité. Donc, que tu es plus à l'aise avec la pratique. C'est ça. Que moi, je me rappelle que quand j'étais petit, quand je dessinais puis je manquais un dessin, au lieu d'effacer puis de le perfectionner, j'en faisais un autre. OK. Fait que j'en refaisais un autre jusqu'à temps qu'il soit correct. Ben, c'est un peu la technique des studios d'animation, si je me trompe pas. De faire le même design, le même dessin, même s'il y a des erreurs, mais de le refaire pour... Oui, de le refaire jusqu'à temps qu'il soit correct. Ouais. À la place d'effacer la main, puis de la refaire... Tu sais, je refaisais un nouveau personnage. Fait que, tu sais, je trouve ça drôle des fois, quand je monte mes sketchbooks, ou même quand j'étais sur des forums, il y a beaucoup de critiques qui étaient comme « Ah, tu sais, tu devrais mettre le pied plus à 45 degrés par là, puis nanana, puis tu sais... » Je suis comme, je ne vais jamais retravailler ça. Je vais me pratiquer, mais je ne vais pas retravailler. Le dessin est sorti comme ça. C'est ça, le dessin est sorti. On passe à un autre. Exactement. Oui. On passe à d'autres choses. Oui. Fait que c'est, moi, je l'ai fait instinctivement, mais il n'y a pas une technique qui est meilleure qu'une autre. Là, on n'est pas en train de dire que les gens qui dessinent comme ça sont meilleurs. Là. C'est juste une philosophie différente. C'est tout. Oui. Finalement, on a parlé un petit peu moins de la BD et plus sur le dessin d'autres artistes, mais bon. Mais non, mais en même temps, je pense que c'est une découverte que... Moi, c'est ce qui me fait chier, c'est que ce gars-là, il est méconnu. Oui, puis qu'il a fait peu de BD. Ouais. Puis je ne sais pas s'il va en faire d'autres. Il avait annoncé un autre BD, mais ça fait genre 4 ans, puis je n'ai jamais rien vu. Ouais. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, des fois, des illustrateurs comme ça aussi, ça se trouve une job d'un bureau, que ce soit en jeu vidéo, en animation, en film, peu importe. Ouais. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui est arrivé, parce qu'il n'y a plus de présence online depuis un ouais, c'est il ça. Pose ses illustrations de fois de temps en temps, mais ça fait longtemps qu'il a c'est ça, je pense, son espèce de liberté créative, il va le faire avec ses prints, ses séries d'illustrations. Mais la BD, c'est peut-être plus loin pour lui. Puis il faut se le dire aussi, tu sais, la BD, c'est... C'est quoi le mot que je cherche en français? Un commitment, là. Un engagement. C'est ça, tu sais. Faire une illustration, là, après 2-3 heures, est fini. Après une journée ou deux, à la limite. Faire une BD, c'est une affaire de semaines, voire de mois, voire des fois d'années. Fait que si à un moment donné, ça ne te tente plus là, de les dessiner, les maudits tuyaux, puis tes deux personnages qui te promènent dedans, là, ben t'es pogné avec, tu sais, t'es vraiment pogné avec. Fait que c'est peut-être ça aussi, tu sais, c'est peut-être plus un illustrateur qu'un auteur de BD. Même s'il est très bon. Même s'il est magnifique. On l'aime, Barnaby. Pense qu'il ferait Barnaby, come back! Come back, Barnaby! Pense qu'il ferait du bon X-Men? Du X-Men de la mort, même. Donc, il met quelque chose de très commercial. Ouais, mais moi, ça, j'adore ça. Puis, bizarrement, c'est un peu ça qui se passe avec les films de Marvel. Hein. C'est qu'ils prennent des auteurs qui ont vraiment une voix unique, puis ils leur donnent leurs produits. Moi, ça, j'adore ça quand Marvel fait ça en BD. Là. Oui. C'est arrivé une couple de fois qu'ils ont pris des auteurs qui n'avaient vraiment rien à voir, dont Moebius. Il a fait une histoire de Silver Surfer et Galactus. Ah oui. Qui ressemble à rien d'autre que ce que Marvel a fait avec ses personnages. Une petite run? Comment? Une petite run? Non, c'était pas une run, c'était un one-shot. Là. Ah, un one-shot, je pense, en 2 numéros, je me trompe pas. Sinon, tu sais, il y a l'auteur de Blame, le manga Blame, qui a fait une histoire de Wolverine. Fait que, tu sais, c'est juste cool quand tu vois qu'un artiste qui a une vision vraiment unique s'approprier quelque chose de commercial. Puis ça, on a déjà parlé justement à ce Comic Con-là qu'on était ensemble, que je t'avais demandé si tu avais comme un gros truc, que tu as carte blanche, tu écris ce que tu veux, mais ça vient de. C'est une grosse affaire, c'est une grosse franchise. Okay. Tu te rappelles-tu qu'est-ce que tu avais répondu? Non, toi, tu t'en rappelles dit? Moi, je m'en rappelle que tu avais répondu. Mais à l'époque. Tu fais-tu le dire? Mais j'ai envie de te demander là, parce que si je te. Je m'en rappelle plus. Non, mais si. Là, présentement, là, ça serait quoi? Parce que. Ouais. Continue de parler, là, je vais y passer. Moi, c'est pas mal. Il y en a plusieurs, là. Ouais. Mais les Ninja Turtles, c'est sûr que je veux toucher à ça un jour. Là. Ouais. Okay. J'ai mon histoire que je me build up depuis que j'ai genre 15 ans. Tu sais, j'aimerais ça, genre, en fin de carrière, faire mon histoire des Ninja Turtles. Ouais. Qui serait comme une espèce de gros book de genre 500 pages. Mais t'as pas d'idée, vite de même? Ben honnêtement, j'aime ça, mais je connais peu, puis j'en consomme moins des mainstream, en guillemets, podcastiques. Mais rapidement, ça répond peut-être pas à ta question, mais peut-être comme un short dans démo de Becky Cloonan puis Brian Wood. Ouais. Même si c'était un truc très à eux. Là. Ouais, c'est leur band. Là, comme. Mais à l'époque, tu avais répondu quelque chose. Moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Tu avais dit comme... Encore une fois, tu avais dit, je ne connais pas tout. Je ne connais pas le matériel par cœur. Mais tu avais dit quelque chose du genre Teen Titans. OK. Fait qu'un team de super-héros, mais vraiment jeune ado. Oui, fait plus public. Tu aurais traité ça de manière ultra genre introspective. Oui, c'est ça, prendre quelque chose plus public jeunesse, mais y donner une dimension plus. Pas plus adulte, mais plus respectueuse au public. Oui, exact. Ouais. Fait que. Moi, j'aimerais ça, même, la lire ton histoire des Teen Titans. OK, on fait ça. OK, on écrit à DC, là, puis on fait ça. OK, on passe stop, puis on start ça. OK. Bon, et ben voilà. Ben, moi, vu que là, c'est ma toune parce qu'on a fini, là. Oui. Juste dire un petit quelque chose. Épisode 7 qui s'en vient. On promet rien, mais on essaye, puis ça devrait être spécial. Fait que je vais juste sans dire ça, parce que si ça plante, je vais pas... On s'excuse. Si ça plante, ça va faire boum! Boum! Puis on prendra un câble, puis on s'en ira ailleurs après. T'attends. Fait que ma toune, moi, ça a rapport, parce que c'est le titre, en fait, qui m'a inspiré. Et c'est Only in Dreams, mais pas de Weezer. C'est okay. Un cover de Weezer, mais de... c'est par le band Mock Orange. Écoutez, ça, c'est full été. En plus, t'as envie de trash et tout. Bon choix. Goodbye, everybody. Salut. Bye. Bye.